28 février 1838, du château du comte Orlok au pays des fantômes. Quel voyage! Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qui m'est arrivé et je crois bien que ni l'aubergiste de Bels ni celui de Rusbach n'avaient exagéré. Ce n'est certes pas que j'ai à l'égard du comte Orlok, toute réflexion faite, les sentiments d'effroi que m'ont exprimés mes deux hôtes, mais j'avoue que j'ai passé des heures véritablement angoissantes, et qu'il faut ma bonne humeur naturelle pour n'être pas ce matin plus abattu que je ne le suis. Je me sens très fatigué, mais je ne veux pas tarder plus longtemps à fixer mes impressions, de peur d'oublier quelques détails de cette invraisemblable arrivée au château de mon client. Quand j'ai quitté l'auberge de Rusbach, j'avais deux postillons pour me conduire. J'ai fait 3 heures de route par un chemin absolument défoncé, des neiges récentes nous entouraient, et nous dûmes même mettre pied à terre à un certain moment car la neige nous barrait la route. Il faisait très froid. J'étais enveloppé dans mon manteau et malgré toutes mes précautions, je grelottais. La nuit allait tomber bientôt quand, au détour du chemin, mes deux cochers s'arrêtèrent. L'un d'eux s'approcha de ma voiture. Je baissai la vitre de la portière. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je. « Monsieur, avec tous nos regrets, nous ne pouvons pas aller plus loin. Y a-t-il quelque chose de cassé ? » ?»« Non, monsieur. Alors pourquoi m'abandonnez-vous ? » L'homme était embarrassé. Pourtant, jetant un regard circulaire, il dit encore « Ce pays ne nous dit rien qui vaille. » Je feignis une grande colère. « Depuis quand, dis-je, les cochers se mêlent-ils de juger de l'aspect d'un pays et font-ils une condition de leur conduite de l'apparence plus ou moins riante d'une région ?» Le postillon haussa les épaules. « Il ne s'agit pas de cela, monsieur. Nous sommes à vos ordres, mais cependant, et pour rien au monde. Nous ne voudrions franchir la limite que nous trace cette ligne d'arbres à l'horizon. » « Voulez-vous me dire pourquoi ? Et sans réticence. Parce que, au-delà de ces arbres, monsieur, c'est le pays des fantômes. Eh bien, c'est précisément là que je vais. Je me rends au château du comte Orlok. Alors, c'est bien plus grave. Jamais nous n'irons dans ces parages. » J'eus beau leur proposer des sommes considérables, vider, pour ainsi dire, ma bourse devant eux. Les deux hommes se refusèrent obstinément à m'accompagner et je dus descendre de voiture, mon bagage à la main. « Un avis, » me murmura un des cochers au moment où j'allais les quitter. « N'allez pas par là. Revenez avec nous. Il en est temps encore. » Je ne répondis pas, mais je vis bien que ces pauvres gens étaient épouvantés de ma témérité. Ils ne perdirent d'ailleurs pas de temps à me suivre et ne prolongèrent pas leurs adieux. Aussitôt que je fus éloigné de leur véhicule d'environ 100 mètres, ils firent tourner bride à leurs chevaux et s'enfuirent à toute allure comme si quelque bête monstrueuse les poursuivait. J'avais beau regarder autour de moi, je ne trouvais aucune raison d'angoisse. C'était plutôt à l'intérieur de moi-même que je sentais quelque anxiété, et cela du fait des conseils que tout le monde m'avait donnés et de l'attitude des personnes auxquelles j'avais parlé du pays des fantômes. Évidemment, il y avait des marécages sur lesquels couraient des brumes qui formaient comme des paquets d'ouates, ça et là. Au milieu des hautes herbes, on voyait des arbres aux formes bizarres qu'on eût pu prendre de loin pour d'étranges gardiens de ces vastes domaines. Mais enfin, je connaissais toutes ces fantasmagories, et je ne suis plus à un âge où l'on peut s'en émouvoir. Je hâtai le pas, car je ne voulais point arriver trop tard au château. Je risquais de me perdre en route, et malgré mon sang-froid, je n'eusse pas aimé de passer la nuit dans ces ténèbres brumeuses. Je marchai pendant 10 minutes environ, lorsque j'aperçus devant moi, zigzagant d'un côté à l'autre du sentier, une sorte de petite voiture noire traînée par des chevaux recouverts de drap noir et conduite par un homme dont je ne voyais pas le visage, drapé lui aussi dans un manteau noir. Comme je m'effaçais pour laisser passer ce sombre équipage, les chevaux s'arrêtèrent à quelques mètres de moi et leur conducteur descendit et sans rien dire m'ouvrit la porte de son landau. Je devinai que c'était le comte Orlok qui envoyait à ma rencontre un serviteur pour me conduire au château. Certes, j'eusse préféré que le véhicule eût une mine plus brillante et que le carrosse fût moins funèbre. Mais enfin, je n'avais pas le choix et je m'installai sur des coussins très durs, tout disposé à me laisser mener selon les caprices et fantaisies de mon nouveau cocher. Nous fîmes un tour sur nous-mêmes et nous nous engageâmes à une vitesse invraisemblable dans les chemins les plus caouteux que j'eusse jamais rencontrés sous des roues. Il me semblait que nous frôlions des précipices à tout instant, que nous allions être lancés dans je ne sais quels abîmes, car le cocher n'avait aucune idée de la ligne droite ni de la prudence. Mais comme je lui en faisais l'observation, il ne daigna pas me répondre. Aussi bien je n'insistais pas. De temps en temps, je me penchai à la portière, et c'est ainsi que je vis le fameux château du comte Orlok, ou plutôt que je le devinais, masse ténébreuse dans un brouillard de crêpes. Le conducteur m'arrêta devant une espèce de pont-levis, ouvrit ma portière, prit mon bagage. Je descendis et j'attendis que le pont-levis fût abaissé, ce qui ne tarda pas. À mes yeux apparurent une suite de longs couloirs, des tunnels plutôt, que je traversais lentement. Puis, comme je n'y voyais plus clair du tout, je me permis d'appeler « Oh là, où suis-je ?» Nul ne me répondit, mais une lumière vacillante s'approcha de moi. Une forme longue et maigre m'aborda. Je ne vis pas de visage, mais j'entendis une voix qui me dit, impérieuse, « Pas de bruit, s'il vous plaît, et suivez-moi. » J'obéis. Je franchis le seuil d'une porte. J'entrai dans une salle de proportions gigantesques, éclairée par une demi-douzaine de flambeaux. Sur une table, un repas était servi. Deux couverts étaient mis. Je me retournai pour voir où était mon hôte, et je ne pus retenir un mouvement de recul. Car dès le premier abord, je fus épouvanté. J'avais devant moi un corps mince, surmonté d'une tête presque de mort, un visage d'une pâleur exsangue, un crâne complètement chauve, comme si la peau avait disparu et qu'il ne restât que les os. Cet être fantastique était vêtu d'une redingote qui lui tombait au-dessous des genoux, et les manches de son habit sortaient deux mains d'une maigreur extrême, aux doigts effilés comme des poinçons, et aux ongles presque aussi grands que les doigts. Je n'avais jamais rien vu de semblable. J'allais balbutier une phrase quelconque. Je m'appuyai contre le mur pour ne pas défaillir. L'extraordinaire individu prit la parole. « Vous êtes Monsieur Jean Uther ?»« Oui, monsieur. »« Vous êtes envoyé par Monsieur Knock ?»« Oui, monsieur. »« Je suis le comte Orlok. » »« Très honoré, monsieur le comte. »« Voulez-vous vous mettre à table ?»« Oui, monsieur. » Alors tout est prêt. Il ne m'en dit pas davantage, m'indiqua du geste la chaise qui m'attendait, s'assit dans un fauteuil et sans autre explication, me versa du vin dans mon verre et me mit du pâté dans mon assiette. Pas un mot, pas un geste inutile, pas même un regard de ses yeux terrifiants, qui put me faire soupçonner que cet homme n'était pas comme les autres. Le dîner était succulent. Je ne me souviens pas d'avoir jamais bu vin du Rhin qui fût meilleur. Quand nous en vînmes aux viandes froides, il me versa un bourgogne qui me réchauffa le cœur. Avant le dessert, je goûtai un vin sucré des îles de la Grèce, plus généreux que tout ce qu'on peut imaginer. Quant au champagne, dont il remplit ma coupe après le repas, c'était vraiment un bouquet de roses. Il n'y avait pas de serviteur autour de lui. Nous prenions les mets qui étaient à notre portée. Je ne prononçai pas une phrase, le comte Orlok n'ouvrit pas la bouche. 9 heures sonnèrent à une horloge invisible. Le comte éteignit 3 flambeaux. Nous demeurâmes tous deux dans l'immense pièce à demi noyée d'ombre. Nous nous approchâmes de la haute cheminée où flambaient des bûches presque aussi grosses que des troncs d'arbres, et pour ma part j'attendis que mon hôte voulût bien m'adresser la parole. Il ne paraissait pas pressé de le faire. Il me regardait de la tête aux pieds d'une façon si obstinée que j'en étais gêné. Il me détaillait comme un marchand l'eût fait d'un animal qu'il eût voulu acheter, et n'exprimait son opinion que par quelques grognements sourds. Cela dura bien 10 minutes. Tout à coup, il avança vers moi ses ongles pointus comme des flèches qui me frôlèrent la joue. J'eus peur. Puis brusquement, il me demanda « Votre femme m'a-t-elle un joli coup ?» Je ne m'attendais pas à cette question. « Sans doute, » lui dis-je. Le son de sa voix était bizarre. C'était une sorte de grincement comme en ont les portes grouillées, quand on les pousse après de longues années pendant lesquelles elles restèrent fermées. A-t-elle le cou long ou court ? Long, je pense. Vous n'avez pas de portrait d'elle ? Je fus sur le point de dire non, car cet interrogatoire me paraissait ridicule, et je n'étais pas venu au pays des fantômes pour discuter des charmes extérieurs d'Hélène. Mais enfin, de peur de contrarier un client, comme disait M. Knock, je répondis qu'en effet, j'avais toujours sur moi une miniature. Je la sortis de mon portefeuille et la montrai à mon hôte. « Quelle jolie femme vous avez, monsieur Uther !»« Très flatté, monsieur le comte. »« Et quel coup ?»« Oui, oui. Et il est blanc, n'est-ce pas? Mon Dieu, oui. On dirait un lys. Un lys dont on a bu le sang des lys. Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous ne savez pas que les fleurs ont du sang? Si, je sais que les fleurs ont elles aussi une manière de circulation, mais enfin... Le comte tenait toujours la miniature dans ses mains et fixait sur le portrait des regards de convoitise dont je m'exaspérais. Je tendis la main pour reprendre mon bien. Laissez, monsieur Uther, vous ne voulez pas? Si, mais... Il tourna la tête vers moi. Seriez-vous jaloux d'un vieil homme? Non, monsieur le comte. Certes, il fut un temps où peut-être vous eussiez pu avoir raison de vous méfier de mes entreprises. Mais aujourd'hui, l'amour me paraît une chose de si peu d'importance. Je ne voulais pas l'inciter aux confidences et interrompant ses propos. Monsieur Knock m'a envoyé vers vous. C'est bon, fit-il. Nous parlerons de cela plus tard. C'est que plus tard. Je veux dire demain ou après-demain. Vous n'êtes pas pressé que je sache. Pressé, non. Mais enfin, je voudrais être rentré chez moi le plus tôt possible. Je ne vous retiendrai pas. Mais pour l'instant, laissez-moi faire plus ample connaissance avec vous et m'intéresser un peu à votre genre de vie. C'est trop d'honneur que vous me faites, monsieur le comte. Votre femme est jeune. Elle a 24 ans. Elle est bien portante. C'est selon. Il y a longtemps que vous êtes marié. 2 ans. Est-ce que vous aimez votre femme? Oui, beaucoup. Vous l'avez aimée pour son coup? Mon Dieu, non. Est-ce que vous ne faites jamais attention au coup des gens? Il commençait de m'agacer avec ses allusions perpétuelles au coup dont je ne me souciais guère. Je n'y prends pas particulièrement garde, répondis-je. Vous avez tort. C'est admirable, un beau coup. Cela a une douceur au toucher qui n'est comparable qu'à celle des corolles des fleurs. Et cela permet aussi de voir passer du cœur au cerveau dans ses veines fines, si proches des oreilles, le sang. Vous m'entendez? Je vous entends, monsieur le comte. Et cela ne vous exalte pas? Pas du tout. L'idée du sang, l'odeur du sang, la grandeur du sang qui porte la vie, cela ne vous dit rien? Non, j'avoue. Vous êtes jeune, en effet, monsieur Jean Uther. Il se leva, et je le vis s'avancer vers moi, les mains tendues. Je sentis sur mon cou ses doigts glacés, au-dessous de mes oreilles, ses ongles coupants. « Que c'est doux !» me dit-il, « et que j'ai du plaisir à réchauffer mes vieux doigts sur cette peau tiède. » Je ne partageais pas son enthousiasme. Cet affreux vieillard ne se doutait pas sans doute qu'il me répugnait, et comme je n'ai pas le caractère à me laisser faire aisément, je me levai à mon tour et me mis à l'abri derrière mon fauteuil près de la cheminée. Le comte Orlok parut froissé de mon indifférence. Qu'y a-t-il pourtant de plus réconfortant pour un vieil homme que de voir et de toucher la jeunesse? Il semble qu'à son contact les années fondent comme de la neige. Et la seule pensée qu'un sang jeune circule dans vos artères et dans vos veines suffit à me rajeunir. Et il recommença de s'approcher de moi, les mains tendues. Je ne pus m'empêcher de protester. Je vous en prie, monsieur le comte. Cessez de me prendre pour un mannequin et de croire que je ne suis venu dans votre château que pour susciter votre lyrisme. Je viens pour vendre une propriété dont vous avez besoin, m'a dit M. Knock. Ne parlons pas d'autre chose. Il ne se fâcha pas, sourit même, de quel effroyable sourire, et sans m'en dire davantage, s'en alla. Il disparut, s'enfonça dans je ne sais quel couloir. J'étais tout seul dans la salle. Je ne savais pas où était ma chambre. Je cherchais en vain une sonnette. J'appelais en vain un serviteur. Personne ne se présenta. J'étais abandonné complètement et le château paraissait n'avoir d'autre habitant que cet extravagant Orlok. Où irais-je puisque je ne connaissais pas du tout la demeure? Le mieux n'était-il pas de passer ma nuit dans le bon fauteuil où je m'étais assis à côté de la cheminée? C'est ce que je fis. Mais avant de pouvoir fermer les yeux, je me pris à réfléchir sur tout ce qui s'était passé et sur les réflexions que j'avais entendues depuis quelques heures. Je ne m'attardai pas à m'inquiéter de l'aspect du château ni même de l'effrayante silhouette de son propriétaire. Mais je ne pouvais pas écarter de mon esprit les questions qu'il m'avait posées sur le cou de Hélène, ni l'insistance qu'il avait mise à me parler du sang. Le sang des fleurs. Le sang des fleurs, n'était-ce pas Hélène qui m'avait déjà fait allusion à cela, quand je lui avais apporté les roses blanches? Ces rapprochements se mêlaient à ma lecture du livre des vampires, aux observations que m'avait faites mon ami Bulwer quelques jours avant mon départ. Résultat, des cauchemars toute la nuit. Il me semblait que quelqu'un s'approchait de moi, se penchait sur moi, buvait mon sang au cou et ce matin, avant que d'écrire ces lignes, je me suis aperçu que j'avais été tout simplement piqué par un moustique, un peu au-dessus de mon col, et que c'était sans doute cette bestiole qui avait provoqué ces mauvais rêves. Il est 11 heures. Je n'ai pas encore vu Orlok de toute la matinée. Je ne sais quand j'aurai l'occasion de lui parler de la vente de la maison en ruine. Je vais me promener un instant dans le parc et si j'ai le temps ce soir, j'écrirai à Hélène et je continuerai mes observations sur ce journal. Car enfin, quand elle ira mieux et que je lui lirai le récit de mon voyage, je crois que ma bien-aimée aura de moi une haute opinion et qu'elle rendra hommage à mon courage et à mes vertus. Les voyages instruisent la jeunesse et lui donnent aussi un peu de gloire. C'est bien la moindre des choses.